déterminé à prendre l'album. Pareil pour le décollage, pour la retour de goût, la rage de mon visage. Pour toute une génération, sous le règne de Sarko, entend le son des bâtons. Pour nos frères et nos sœurs, qu'on gagne ou qu'on perd, faut y mettre du cœur. Déterminé à prendre l'album, mon baraka. Déterminé à prendre l'album, Abouhaïa. Collégien, en crise d'adolescence, je ne crois plus en rien, la rage de vivre dès la naissance. Au fond de la classe, je rêve de Jaguar, d'obtenir le pouvoir sur le trône, je voulais m'asseoir. Je suis le sourd à la morale des parents, avec les poteaux, on rentait les queues parents. Turbulents, on répondait aux professeurs qui nous mettent en CAP, tu connais le processus. Chapiste ouvrier, restera ouvrier, un mec de banlieue ne pourra jamais briller. Jamais. Mon daron décide de m'envoyer au bled. Pour ma famille, c'était le seul remède. Un aller sans retour, direction Ngazija. Plus d'échappatoire si on bloque mon visa. J'étais contre moi, j'ai rien à foutre là-bas. Vas-y laissez-moi, sous ma tête j'm'en bats. Le jour du départ, ma famille à l'aéroport. Vois ma mère et mes sœurs qui étaient en pleurs. La fatiha d'a tout mal pour porter bonheur. J'avance sans retourner, monte sur l'escalator. Sous mon siège, voyais ma vie défiler. Y'a plus trop de tour en arrière, les portes sont verrouillées. 3 ans de blé, ma rage est redoublée. J'suis prêt à m'envoler, réacteur en plongée. Déterminé à prendre l'album, pareil pour le décollage, pour la retour du goût, la rage de mon visage. Déterminé à prendre l'album, pour toute une génération, sous le règne de Sarko, entends le son des bâtons. Déterminé à prendre l'album, pour nos frères et nos sœurs, qu'on gagne ou qu'on perd, faut y mettre du cœur. Déterminé à prendre l'album, mon baraka. Déterminé à prendre l'album, Abouhaïa. Déterminé à fond l'album.